Stephen King aime peut-être le métavers, Stephen King aime peut-être l'Égypte, Stephen King aurait bien aimé ne rien avoir à faire avec le cobaye Nick Said Suite, mais Farad Mann en a réalisé une quand même. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le vidéoclub de Castle Rock, je suis avec Chris, comment vas-tu ? Bien, et toi ? Ça va, quoi de nouveau depuis les derniers enregistrements ? Pas grand chose, on continue à faire du Twitch, on continue à faire des lives interminables sur le bilan cinéma 2023. Ouais. Ceci dit, normalement d'ici que cet épisode sorte, on aura terminé. Normalement, le prochain, c'est le dernier. Ça serait bien de terminer les bilans ciné 2023 avant d'entamer les bilans ciné 2024, quoi, parce que sinon, ça va ouais, créer... Ouais, bah oui, voilà, c'est ça. C'est... ça va créer des soucis. Ça va commencer à bouchonner. Hein. Et donc, bientôt, des nouvelles aventures sur ma chaîne Twitch, sur le cinéma, etc. Vous verrez bien, je commence à explorer des idées. On verra ce qu'on fait. Explore. Très bien, donc nous sommes réunis aujourd'hui pour parler du Cobaye 2, le Cobaye Cyberspace pour son titre réel, Lawnmower Man 2 Beyond Cyberspace, sous-titré Jobs War des fois, réalisé par Farad Mann et sorti en 1996. Donc le Cobaye, on en a déjà parlé dans un précédent épisode. Pour rappel, c'est une adaptation d'une nouvelle, mais tellement lointaine que King lui-même a demandé à ce que son nom soit retiré du générique. La nouvelle s'appelle oui, La Pastorale. C'est très très lointain quand même. Et effectivement, tout ce qui en est gardé, c'est une scène de meurtre à la tondeuse à gazon. Voilà. Retrouve dans le Cobaye, mais c'est tout. Et c'est ce qui explique que ce film s'appelle en VO Lawnmower Man 2, l'homme à la tondeuse à gazon, alors que là il y a vraiment plus du tout de tondeuse à gazon dans ce film-là. C'est... Alors qu'elle est sur l'affiche par contre, enfin sur l'une des deux affiches. Oui effectivement, et que c'est mentionné plusieurs fois dans le film, on y reviendra peut-être. Voilà. Mais on peut redire que la nouvelle, sans être extraordinaire, se lisait correctement. Oui, voilà, et puis elle se lit très vite, surtout, c'est vraiment une nouvelle très courte. Ouais, clairement. Donc vous pouvez y aller. C'est dans le recueil Danse Macabre. Oui. Très bien, je propose qu'on y aille pour le film. Nous allons spoiler le 1 au passage, parce que là, c'est une suite directe. Oui. Donc on se lance. Eh bien, allons-y. Nous allons le perdre. La réalité virtuelle va restructurer votre esprit et votre corps. Quel est votre nom ? Mon nom est Job. Qui est Job ? Il était jardinier jusqu'à ce que mon voisin, un docteur, se livre à des expériences sur lui et en fasse un génie. Je suis Dieu ici. Bienvenue dans mon monde, Peter. J'ai découvert le secret de l'immortalité dans le processeur Chiron. Le futur, c'est maintenant. Faut le sortir de là. On en perd le contrôle. Je n'ai jamais vu Job comme ça. Nous devons arrêter Job avant qu'il ne soit trop tard. Et dans 3 jours, je serai dans tous les systèmes du monde entier. Donne-moi accès à tous les comptes bancaires. Cette carte de crédit n'est plus valable. Non, on ne fait pas ça. Au distributeur automatique. Compagnie des eaux et d'électricité. Il veut détruire notre monde. Il s'imagine qu'il va devenir un nouveau messie dans le cyberespace. Entrez dans le nouveau monde, professeur. Suivez, Job. Votre monde matériel va disparaître. Et seul le cyberespace va demeurer. On est venu te sauver, Job. Ici, C'est moi le sauveur! Donc le cobaye de Cyberspace reprend là où le premier s'est terminé, à savoir avec l'explosion du laboratoire dans lequel se trouvait Job quand il a viré fou et qu'il a voulu contrôler et tuer des gens via le cyberspace, via la réalité virtuelle. Son corps et son esprit sont récupérés par un homme d'affaires véreux, Jonathan Walker, qui veut l'utiliser pour contrôler des logiciels de vidéosurveillance, intelligence artificielle, en tout cas qui permettraient de contrôler à peu près toutes les machines du monde. Et vont lutter contre lui le docteur Benjamin Trace, qui a inventé la technologie d'IA dont se sert Job pour prendre le contrôle des machines, et Peter Parkett, qui est l'enfant avec qui Job était ami dans le premier film, qui est maintenant adolescent. Mm. Voilà pour le résumé. On entrera plus dans les détails en cours de critique. Le cobaye, ça avait rapporté pas mal d'argent à l'international, ça avait rapporté quand même 150 millions de dollars en 1992, ce qui en faisait le film le plus rentable de New Line Cinema pour cette année-là, donc évidemment une suite est assez rapidement envisagée. On en trouve d'ailleurs les premières annonces dans la cassette vidéo du cobaye, sous le titre à l'époque « Lawnmower Man 2 Mindfire ». Même si le titre va changer en cours de route, a priori, je pense qu'ils ne savaient absolument pas de quoi ça allait pouvoir parler quand ils ont commencé à cette époque-là. Oui. Quand il s'agit de réunir l'équipe, le réalisateur du premier, Brett Leonard, n'est plus disponible, et Pierce Brosnan non plus. Donc autant Brett Leonard, il réalise un film qui n'a pas eu un succès débordant non plus, autant Pierce Brosnan, c'est parce qu'il est pris sur GoldenEye, ça me paraît une bonne excuse. Oui, effectivement, oui. Voilà, tu vois. Moi, j'ai beau pas être très bon pour prédire l'avenir, on me laisse le choix entre James Bond et le Cobaye 2, bah ouais, pareil, je choisis James Bond, quoi. C'est... Mais c'est pour ça que le rôle principal de scientifique, ça a beau pas être lui, je trouve qu'il lui ressemble beaucoup dans le caractère. Hein. On sent qu'ils avaient une base de scénario, ils ont changé vite fait le nom, vite fait le background, et puis c'était marre, quoi. Oui, clairement. Le réalisateur qui est choisi, c'est donc Farhad Mann, qui est un réalisateur surtout actif à la télévision, sur beaucoup de téléfilms, encore aujourd'hui d'ailleurs, et quelques séries, dont Murdoch. Il avait déjà travaillé avec Matt Frewer sur le pilote de la série Max Headroom, une dizaine d'années plus tôt, donc c'est peut-être là qu'ils ont eu envie de retravailler ensemble, mais sinon, c'est pas quelqu'un qui a une filmographie qui a laissé des traces. D'accord. Il est co-scénariste du film, qu'il co-écrit avec Michael Miner, qui est le co-scénariste de Robocop, quand même. Ah oui. Bon, qui a à peu près rien fait d'autre. Le reste de sa filmographie sur IMDb, globalement, c'est tous les trucs de la licence Robocop sur lesquels il touche des droits parce qu'il est créateur des personnages. Donc il est mentionné sur les jeux vidéo, sur les autres films, sur les remakes, etc. Mais en scénariste direct, il n'a pas l'air d'avoir fait grand-chose d'autre que Robocop et donc le Cobaye 2. Le tournage se fait à partir de mars 1995 pour une sortie l'année suivante. Et au casting, nous avons dans le rôle du docteur Benjamin Trace, Patrick Bergin, qui est un des antagonistes dans Jeux de guerre avec Harrison Ford. D'accord. Il joue dans un film appelé Les Nuits avec mon ennemi face à Julia Roberts, qui a l'air d'être un film sur l'emprise mentale dans un couple. Ça a l'air un peu intéressant. Mmh. Il a joué Robin des Bois dans la version de John Irvine. Et en 2012, il joue dans Shark Week, un film de requins produit par Asylum. Voilà. C'est quoi un requin qui va au quick du coin ? Non, c'est Week comme la semaine. Ah ! Hélas. Globalement, en fait, après un début de carrière qui est un peu prometteur, parce que bon, bah, il a joué avec Harrison Ford, avec Julia Roberts, il a joué dans Robin des Bois, c'est pas n'importe quoi, quoi. Oui, c'est pas Mais la suite est restée dans des prods plutôt confidentiels qui n'ont pas l'air d'avoir vraiment pris. D'accord. Job, cette fois-ci, il est joué par Matt Frewer, un acteur qu'on a déjà rencontré pas mal de fois, puisque c'est un favori de Mick Garris. Mm. C'est lui qui jouait la poubelle, par exemple. Oui. Il jouait le docteur dans l'adaptation du segment de Clive Barker dans Quicksilver Highway, etc. Peter Parkett, donc l'adolescent du premier film, lui, c'est l'acteur du premier film, Austin O'Brien, qui reprend son rôle. Donc c'est le seul acteur en commun avec le premier. Oui, avec le premier film. Cory Platt, donc la scientifique qui travaille pour le méchant mais qui ne se rend pas compte que c'est un méchant. Elle est jouée par Ellie Puget, qui a joué dans LA Takedown, le téléfilm de Michael Mann, dont il fera lui-même le remake avec Heat. D'accord. Mais j'ai jamais vu le téléfilm d'origine. Non, moi non plus, mais quand même. Elle a pas joué dans un petit truc. Oui, avec un petit... Ça a donné un petit truc, un gros truc après, oui. Et elle a eu un rôle principal dans une courte tentative de revival de la série Dark Shadows dans les années 90, mais ça a duré genre une saison et puis ça a pas marché. En même temps, qui a eu l'idée de faire revenir Dark Shadows en série dans les années 90 ? Le film de Burton, ça se justifiait pour plusieurs raisons. C'était Burton, ça avait plus rien à voir avec la série, mais voilà. Tenter de faire revenir un soap opéra un peu nul des années 60 en série, c'était audacieux comme tentative. Oui, clairement. Bah, au moins, ça a le mérite d'être audacieux, effectivement. Ouais, on va dire ça, ouais. Et Jonathan Walker est joué par Kevin Conway, qui a un rôle récurrent dans la série Oz. Et il joue Seamus O'Reilly. D'accord, oui, ok. Sinon, il est aussi un des antagonistes, en tout cas, dans Mort ou Vif, le western de Sam Raimi. Oui, de Sam Raimi, effectivement. Et il a fait pas mal de théâtre, au moins jusqu'aux années 90. Après, j'ai plus de mal à retrouver des traces de sa carrière théâtrale. C'est toujours un peu plus dur de trouver des traces de ça. Mais visiblement, il a été quand même pas mal actif sur scène, en parallèle de sa carrière cinéma et télé. Mmh. La photo, elle est de Ward Russell, qui a travaillé plusieurs fois avec Tony Scott, surtout dans son début de carrière. C'est le directeur photo sur Jour de Tonnerre et Le Dernier Samaritain, et il était à l'équipe Lumière sur plusieurs de ses films précédents. C'est aussi lui le directeur photo sur le film X-Files. Et vers la fin des années 90, je m'étais demandé un peu pourquoi sa carrière s'arrêtait. En fait, il fait la transition pour devenir photographe, mais vraiment photographe avec un appareil photo, plus au cinéma. D'accord. Et du coup, il a plus que quelques crédits occasionnels en tant que directeur photo, mais il a l'air d'avoir une belle carrière de photographe, par contre. La musique, elle est de Robert Falk, qui est le compositeur des Police Academy, de tous les Police Academy, de L'Histoire sans fin 2, de Kung Po, L'École des héros, Risque maximum, Alarme fatale, donc des trucs... Plutôt des comédies, hein, en oui, c'est, oui. Un peu, c'est un peu un une anomalie dans sa carrière, j'ai l'impression, le Cobaye 2. Et il a fait aussi deux films pour Don Bluth, Rocorico et Le Lutin Magique. D'accord. Rocorico, faut pas se tromper dans où placer les syllabes, hein, parce que... Ouais, oui, t'as vite fait de tomber dans les trucs un peu chelous. Hein. Et il a travaillé avec notre vieil ami Larry Cohen sur Ma belle-mère est une sorcière. Ah. Ça a l'air bien. Oui. Moi, ça me vend du rêve. Après, Madame Loup-Garou, ou Ma mère Loup-Garou. Ouais. Bah, et puis, d'une certaine façon, est-ce que Les Enfants de Salem, c'était pas un peu Ma belle-mère est un vampire ? Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Bon, c'est tout ce que j'ai sur la production du film, donc je vais tout de suite passer à ses notes sur Rotten Tomatoes et Allociné, parce qu'il y a des gens qui ont pris la peine de le noter, à défaut d'avoir tenté de savoir comment ça s'était fait, parce que ça, tout le monde s'en fout. Il a 10% de fraîcheur sur Rotten Tomatoes, ce qui le place 70e entre Les Démons du Maïs de 2020, dont on persiste à dire qu'il est beaucoup trop bas, et The Mangler 2, et 1,3 étoiles sur Allociné, ce qui le place dernier de tout ce qu'on a vu pour le moment sur Allociné. Évidemment, King n'en a pas parlé, je sais même pas s'il sait que le film existe, peut-être qu'on a jugé mieux de pas lui dire, quoi. Ils avaient trop peur de se prendre un nouveau procès. C'est ça. Greetings, Mr. President. Rocco. And thank you for joining us on this momentous occasion. I'm happy to be here. I was shocked to hear about Senator Greenspan's dreadful accident. Yes. I know how much he wanted to be a part of what we're doing here today. But la vie continue. We will be joined by hundreds of other prominent people who'll be jacking in from all over the country. So if you're ready, don your iPhones and we can begin. Et on va pouvoir passer à nos avis. Bah, je te laisse commencer. La vache. Ah putain, c'était nul. Hein. C'était nul, mais bon, cela dit, on a vu pire que ça, quand même. Disons que le film a un énorme souci. C'est qu'il ne sait ni poser ses enjeux, ni ses personnages. Donc du coup, bah, tu subis le film sans trop savoir ce qui se passe, sans trop comprendre ce qui se passe, sans trop savoir où tu vas. Il y a vraiment des scènes où les personnages font un truc, il leur arrive des mésaventures, et vraiment, devant mon écran, j'étais en mode, mais qu'est-ce qui leur arrive? Pourquoi? Je pense notamment à une scène de fin, moi je rentre directement dans le vif du sujet, où oui. Ils doivent pénétrer là dans le dôme pour retrouver Job, qui est devenu un grand méchant du coup. Et donc ils sont en moto, et ils passent du monde véritable au monde de la réalité virtuelle, parce que les personnages peuvent jumper dans le monde de la réalité virtuelle créé par Job. Ils passent de l'un à l'autre, mais il y a zéro transition, déjà. Et puis dès qu'ils arrivent dans l'autre, ils sont en moto poursuivis par des mecs avec des grosses mitrailleuses, tu fais bah... Où est la transition? Je ne comprends pas. Et en fait, le film est rempli de séquences comme ça, où vraiment, tu te dis, bah, pff, comprends pas. Ouais, je pense qu'il essaie de créer des trucs dans l'exploitation des deux univers, mais effectivement, t'arrives jamais à t'y impliquer. Ah ouais, il y a zéro implication. Malgré le fait... Il faut l'accorder au film. Visuellement, c'est quand même bien plus joli que le premier, parce que le premier... Mon dieu, souvenons-nous quand même que c'était une immondice sans nom. Oui, bah la différence c'est que là, ça essaie de créer des véritables décors dans l'ensemble, dans le cyberspace. Ouais. Là où le premier jouait sur quelque chose de beaucoup plus abstrait. C'est peut-être ça qui crée une partie de la différence. Peut-être le fait qu'il y ait 4 ans qui soient passés aussi, quand même, oui, ça, à l'époque ça se développait assez vite comme technologie. Oui, clairement ça aide. C'est bien plus joli que le premier, mais faut pas se faire d'illusions non plus, c'est quand même pas très beau. Hein. Bah, ça a pris un coup de vieux énorme. Ouais, voilà, c'est ça. Tout ce qui est transformation, métamorphose, ça reste dégueulasse, y a pas d'autre mot. Ouais. Ça reste immonde. Je trouve qu'on sent encore plus que dans le premier. C'est-à-dire, le premier, je pense que le réalisateur, Brett Leonard, il était réellement intéressé par tout ce qui était réalité alternative, oui, parce que, technologie autour de ça. Oui, parce qu'on peut se souvenir que dans le premier, c'était les points les plus intéressants quand ça abordait ce sujet-là. Oui, c'est ça. Et puis même, il a pas mal travaillé autour de ça, Brett Leonard, par la suite et même un peu avant. Donc... Ça avait un gros côté kitsch, parce que évidemment ces technologies ont énormément évolué. Mais c'était intéressant. Mais c'était un peu sincère, tandis que là, t'as vraiment l'impression que le film a été écrit par des mecs. La dernière fois qu'ils ont vu un ordinateur, c'était l'Atari 2600 de leur petit cousin, quoi. T'as vraiment l'impression qu'ils y connaissent rien à plusieurs moments, je trouve. Je pense que c'est pas qu'une impression. Notamment, il y a un moment, il y a une scène de hacking. C'est totalement n'importe quoi. Tu sais, quand t'as des formules qui commencent à apparaître en 3D et ils rentrent dans les formules mathématiques, c'est... J'aurais bien dit que c'était quelqu'un qui tente d'imiter Matrix sans mal, mais Matrix n'était pas sorti, donc je sais pas ce qu'il tente d'imiter, mais il le fait mal, en tout cas. Ah oui, il le fait très très mal, même. Effectivement. Moi, j'adore la première séquence où les gamins vont dans le monde virtuel. Ouais. Et il tombe genre sur un champ de bataille et il y a l'un des gamins qui ordonne au chien de mettre un CD dans la console. Et oui, c'est ça, c'est n'importe quoi. Tu vois la quoi. Patte du chien là qui pousse le CD, c'est l'effet est totalement ridicule, c'est à mourir de rire. Ouais. Aussi bien que les effets sur la patte du chien dans Air Bud pour un comparatif. Ah oui, c'est ça. Au début, il débarque sur une espèce de jungle, il débarque au-dessus des arbres, tu sais, et ils volent. C'est ça, pour le coup, c'est quand même vraiment pas bien fait. Hein. Bah l'effet de vol était mieux fait dans les vieux films Superman. Qui ont été faits une dizaine d'années avant, voire une vingtaine d'années avant même peut-être. Oh oui, c'est les années 70, les films Superman avec Reeves. Oui, avec Reeves, c'est ça, ouais, c'est 70, donc ouais, 20 ans avant. Et là tu dis, ah quand même, les gars. Mais pour le coup, le film est plutôt en avance sur son temps dans la représentation de la réalité virtuelle. Parce que très souvent, la réalité virtuelle, à ces époques-là, c'était un truc un peu simili dégueulasse façon premier film, le cobaye. Oui. Alors que là, ça te propulse vraiment dans un univers réaliste, comme ce qu'on est en train de voir actuellement. Oui, d'ailleurs, c'est pas infiniment plus dégueulasse que le métavers de Facebook, mais bon. Oui. À la limite, si le choix qui est pas trop malvenu, qui est facile, mais qui est plutôt bien vu, c'est de dire que Job a eu besoin de chirurgie reconstructrice pour justifier qu'il ait changé de visage. Ah oui. Voilà, ça admettons. Par contre, ça amène une grosse incohérence juste après, parce que l'ado, il le reconnaît. C'est ça, et puis il le reconnaît en mode... en mode « Hey, salut !» Alors que bah il est censé être mort, quoi, le Job, là. Oui, c'est ça. Et puis l'ado, il sait que Job a viré à moitié fou à la fin. Il a viré Barjo. Il était là, il les a vus, les événements. Il n'y a aucune raison qu'il le croise en mode « Hey, Mark !» Oh, hi, Mark. Tu dis bah, « Comment ça ?» Il a essayé de tuer tout le monde, toi y compris, pourquoi tu réagis comme ça? Mais oui, donc ils sont dans la jungle, et là, Job arrive, voilà. Ouais, alors, j'ai noté dans mes notes, quand même, pour leur arrivée dans le cyberspace, on croirait le menu de la PS2 avant qu'ils entrent dans le fond d'écran Windows. Ah oui. Voilà, peut-être été un peu sévère, quand même. Et donc là, Job arrive, il se... C'est quoi l'objet à la base, il y a un objet, et après c'est Job qui arrive en se transformant, l'objet se métamorphose en Job. C'est alors je Job, sais plus quel bizarre. Est l'objet. C'est pas la moto, je ne sais plus. Si, c'est peut-être une moto. Peut-être la moto du gamin, et donc il apparaît, donc l'autre lui fait « Hey, salut mon gros, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu ». Bah oui, ça faisait au moins 6 ans. Normalement t'es supposé être mort, mais bon, tant pis. Et l'autre lui dit juste texto « Ah, il faut que tu trouves un tel, il va m'aider ». Ouais, le plan est confus d'ailleurs, le plan de Job, je veux dire. Parce qu'il veut exploiter le docteur, ok, mais il veut l'exploiter pourquoi ? Pour contourner l'espèce de blocage mis sur le logiciel, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est la sécurité, ouais. Mais comment il compte obliger le docteur à la faire sauter ? J'ai jamais compris ça de tout le film, en fait. En fait, il le compte pas, parce que la première fois où il se rencontre donc par écran interposé, il lui dit donne-moi les codes d'accès pour aller à Égypte, donc qui est. Égypte, c'est le nom qui est donné par les gens qui ont créé ce monde virtuel. C'est ce qui représente en fait la sécurité, tout simplement. C'est c'est l'antivirus de la VR de ce monde-là, quoi. Et elle lui dit, vas-y, donne-moi les codes d'accès. Et puis l'autre, il dit, bah non. Ce qui est logique, en fait. Bah oui, non. C'est ça. Et puis l'autre, il dit, ah, bon bah je vais tout casser. D'accord, ok. Super Job. Mais du coup, ça marche pas comme menace, vu qu'on se doute que s'il veut les codes d'accès, c'est pour tout casser. Et du coup, le seul truc qui peut menacer, c'est de tout casser, mais avec la sécurité. Donc, bah, évidemment qu'on va laisser la sécurité. Ah oui, voilà. Il est pas très bon négociateur, genre. À noter qu'il y a une scène qui réutilise la musique The Saving Magpie quand il teste pour la première fois la réalité virtuelle. Donc j'ai l'impression que depuis qu'il y a eu Orange Mécanique, dès qu'on veut installer un peu de tension, on utilise soit du Beethoven, soit ce morceau-là. Oui, exact. T'allais dire, toi ? Ah bah qu'après, il y a une série de péripéties qui se déroulent, avec les gamins qui retrouvent le professeur, qui l'amènent dans les espèces de caravane taudis là, qui leur sert de baraque. Ça aussi, qui est sous le métro. Pas clair, quoi. L'univers du film est pas clair, t'es dans un univers où tu sais pas trop si t'évolues dans le monde d'aujourd'hui ou dans un futur post-apo, c'est très bizarre. En fait, c'est ça, t'as vraiment l'impression d'être dans un post-apo à plein de moments, alors qu'il y a quoi, il y a 4 ans qui sont passés depuis le premier film, c'est pas ouais, censé... Voilà. Enfin, c'est possible qu'il soit passé quelque chose, mais dans ce cas-là, il faut nous l'expliquer, il faut nous le justifier un peu, parce que là, on dirait vraiment que ça se passe pas dans le même monde. Bah, il y a vraiment des moments où t'as l'impression que c'est le monde classique... Vraiment, c'est quand ils sont chez les méchants, parce que c'est juste un bâtiment lambda avec des bureaux et de l'informatique partout. Oui, ça fait un peu méchant de James Bond dans le côté multinational, mais oui. Et quand tu les vois dans la rue, t'as l'impression de regarder Robocop, quoi. Tu fais qu'est-ce qui se passe ? Je comprends. Oui, parce que leur quartier général, il est dans les égouts, en fait. Oui, voilà. Enfin, dans les égouts, dans les couloirs du métro, plutôt. C'est pour ça que Job leur envoie un métro à un moment. Donc oui, l'univers est pas clair du tout. C'est vrai qu'il veut leur envoyer un métro dans la gueule, j'avais oublié ce détail. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est dommage, je me suis dit, la scène aurait pu marcher si on avait vu le film à l'époque, parce que depuis, ça a été fait en beaucoup mieux dans Skyfall. Oui, exact. Ouais, dans plein moi, d'autres j'ai films. Pas, oui, dans plein d'autres films, mais ça m'a fait penser à Skyfall en premier. Mais oui, ça a souvent été refait. Oui, dans les petits trucs que j'ai notés, au moment où le docteur regarde le disque de la rencontre entre Job et le gamin dans le cyberspace, la version qu'il regarde reprend exactement le montage du film, parce qu'ils se sont pas fait chier, ils ont remis les images déjà montées. Oui. C'est toujours une technique qui, moi, me sort un peu du truc, quoi. Ça serait censé être un autre angle de vue si c'était une caméra de vidéosurveillance qui avait capté, enfin voilà. Moi aussi, c'est toujours un procédé qui me perturbe. C'est vraiment un procédé de feignasse, en fait. Ouais. Bah après, c'est pas pire que... Parce que là, c'est encore, ils regardent une transcription vidéo du truc. C'est pas comme si, genre, c'était un souvenir d'un personnage où là, c'est l'extrait même du film que tu viens de voir. Ouais, la technique Dragon Ball. Voilà, là, c'est encore pire. Je veux dire, bah... comment il peut avoir ce souvenir sous cet angle de vue-là? C'est très bizarre. Initiate image regeneration. You've got to help me. But isn't that just like a recording? No, we've got to strip away the layers within the program to discover who the software that Job used to enter VR was licensed to. We've got a problem. I can't get past the memory lock to isolate the chain. Simple. Just enhance the memory index. What have we got here? Actualized data. 5. Here we go. Execute worm function. Enhance. Redimensionalize variables. Ta-da! All we have to do now is access Datatronic systems. I'm right with you, Doc. Voilà, on n'a pas encore parlé du love interest du docteur. Oui. Il travaille donc pour une société, pour une Evil Corp, sans s'en rendre compte. Tu dis bah... C'est, elle est entourée par deux personnes maléfiques, le patron de la société et Job, et elle s'en rend pas du tout compte, elle est vraiment pas vive. Hein. Bah même trois, si tu comptes la... Si tu comptes l'autre là, avec les cheveux courts là... Ah oui, la Electra de chez Wish là. Voilà. Parce que elle aussi, rien que dans son design, ça te hurle. Attention au fascisme. Oh, ça va. Si on n'a pas le droit de s'habiller comme on veut. Oui, non, effectivement, ce personnage-là est complètement à côté de la plaque tout le film. Et même quand elle va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, elle va continuer à ne pas vouloir rejoindre les héros juste parce qu'elle fait la gueule aux protagonistes, parce qu'ils ont été ensemble dans le passé et que ça s'est mal terminé entre eux. Mmh. Je veux dire, quand ce qui est en jeu, c'est le destin du monde, on peut peut-être voilà, mettre de côté ces petites histoires de coucherie, etc. Et voilà, c'est exactement ça. Tu dis, bah... Au bout d'un moment, on... Discutez-en après, quoi. Toutes les scènes d'action sont, je trouve, trop mal filmées. Probablement qu'il n'y avait pas assez de budget aussi pour vraiment nous emporter. Donc, on a déjà parlé de la scène du métro qui ne fonctionne pas, mais il y a aussi toute la scène d'infiltration dans les locaux de la compagnie du méchant. Pareil, moi, pour moi, ça ne marche pas. Parce que on s'ennuie. Parce que c'est pas bien filmé, donc on ne sent jamais comment c'est spatialisé, où sont les personnages les uns par rapport aux autres. Oui, et puis il y a une absence de tension, quoi. Ouais. Il y a une absence de tension incroyable et il y a plein de trucs pas logiques. C'est comme la séquence où à un moment, le professeur, là, il fait diversion, vite fait, à la nana pour que les gamins mettent un mouchard sur la bagnole. Mais ils sont grillés à 10 000 km, quoi. À tous les moments, tu les vois, les gamins. C'est n'importe quoi, cette séquence. Ah ouais, c'est vraiment pas des pros de l'espionnage, hein. Rien que la nana, elle avance avec sa bagnole, elle s'en va, le personnage s'en va, et c'est bon, elle regarde dans la rétro, elle les voit. Il y a vraiment zéro effort qui est fait, c'est incroyable. Ouais, heureusement qu'elle fait pas très attention. On va dire qu'elle était concentrée sur autre chose, elle se rappelait de son histoire avec le héros, donc elle n'arrivait pas à se concentrer sur... Après, elle est bête du début à la fin du film, donc c'est pas trop grave. Oui, voilà, peut-être qu'il le savait, hein, qu'elle était pas maligne. Peut-être que c'est le docteur qui leur a dit essayez pas d'être discret, de toute façon elle est complètement con. Elle vous verra pas. Ah, putain, j'ai hâte de voir un jour un film où vraiment le personnage dit texto on va mettre un mouchard sur ta bagnole, ok? Oui, d'accord, vas-y. Oui, ce qui me laisse sceptique aussi, c'est que le grand patron se dise à aucun moment que Job va le trahir. Enfin, oui, il se rend bien compte que Job a tout le pouvoir et qu'il est pas très stable psychologiquement. Ça se voit à 10 000 km, quoi. Il n'y a aucune raison qu'il ne le voie pas. Et donc, le plan de Job, enfin, pas son plan autour de la puce, mais son plan pour le monde en entier, est-ce que tu te rappelles de ce que c'est? Il veut tout détraquer, déjà. Ouais, mais pourquoi est-ce qu'il veut tout détraquer? Bah, pour se venger, non? Il y a de ça, mais c'est aussi qu'il veut que tout le monde se réfugie dans le cyberspace, et comme c'est lui le dieu du cyberspace, il sera le dieu de tout le monde. Voilà, pour être un nouveau dieu. Voilà, c'est un plan. Voilà, c'est... C'est, oui, c'est un plan, il y a une finalité, techniquement. C'est un méchant à la James Bond, quoi. Ouais, je pense que même dans un James Bond, je veux dire, même dans Meurt un autre jour, il se serait dit que c'était abusé, un méchant comme ça. Et, accessoirement, à ce stade-là, je trouve que c'est plus du tout le même personnage que dans le premier, parce qu'il commence à parler de dominer le système, de génération perdue, il évoque même le nouvel ordre mondial comme un bon petit QAnon qui se respecte. En fait, c'est juste pas du tout le même perso que dans le premier. Dans le premier, il virait fou à la fin, mais il virait fou avec le désir de se venger de ceux qui lui avaient fait du mal. Là, il n'y a plus rien de ça. Enfin, il veut dominer tout le monde. Ouais, c'est ça, mais sans jamais réévoquer le personnage qui était dans le premier. C'est les autres qui vont le rappeler pour lui à plusieurs reprises, parce que j'ai l'impression que le film fait exprès d'évoquer le plus souvent possible que c'est l'homme à la tondeuse à gazon qu'il passait le gazon après, avant. Tu sais, comme si c'était la VO qui essayait de se justifier de s'appeler Lawnmower Man. Oui. Du coup, ils se sentent obligés de le rappeler. Mais si, c'était vraiment un homme qui passait le gazon avant, on vous jure. Le titre de notre film n'est pas complètement con. C'est comme ces films qui passent leur temps à répéter leur titre. Oui. C'est rarement un signe de film très réussi, quand même. Hein. C'est vrai. C'est toujours les moments où, quand t'es devant le film, quand le titre est prononcé, tu te dis « Ah, ta-ta-ta ta. » T'as une espèce de petit effet dans la tête. Oui, non, mais c'est ça. À chaque fois, ça me sort un peu du film, moi, ce genre de rappel du titre, parce que, bah... C'est, voilà, ça me renvoie directement au titre, justement, à quelque chose qui n'est pas censé faire partie vraiment du film, oui, à part qu'à exceptionnel. Oui, voilà, ça te propulse vers l'extérieur de ce que tu regardes. Ouais. Bon, bah effectivement, là, on en vient à ce dont tu parlais, c'est-à-dire que le final va se passer à la fois dans le monde réel et dans le cyberspace. Oui. Donc Job, en fait, pour resituer, là, il utilise pour contrôler toutes les machines du monde une puce qui s'appelle Chiron, enfin Chiron, en fait. Ouais. Qui est censé mettre à genoux les machines. Sauf que dans cette puce, il y a quelque chose qui peut la brider, c'est le programme Égypte. Et Job sait que le programme Égypte existe, mais pour le coup, il n'arrive pas à en prendre le contrôle. Et le but des gentils dans le final, c'est de pousser Job à surutiliser ses pouvoirs pour déclencher l'entrée en jeu du programme Égypte qui arrêtera tout. En gros, c'est une sorte de fusible, si on veut. Oui, voilà, c'est ça. Donc le but, c'est de provoquer Job le plus possible pour qu'il s'énerve et qu'il veuille utiliser la pleine mesure de ses pouvoirs. Pourquoi pas ? Bon, au final, ça se résout sur un duel à l'épée un peu nul dans le cyberspace. Ah oui, ah putain, l'Empire contre-attaque dans les cordes. C'est ça. Surtout que les épées, elles font des bruits vraiment de films de kung-fu bas de gamme. Tu sais, elles font wouch wouch, clink clink, clink clink. On est dans le cyberspace, vous pourriez imaginer mieux comme arme, quoi. Et puis le costume de Job est digne des plus grands épisodes des Sentai japonais. Il y a un peu de ça. L'autre, là, le professeur, quand il tombe, c'est la garde de son épée qui l'empêche de chuter. C'est très romanesque. Mm-hmm. Ça encore, tu vois, ça pourrait, par quelqu'un qui maîtrise, ça pourrait rendre bien. Mais le problème, c'est que c'est ridicule. Bah, ce qui est dommage aussi, c'est que t'es dans le cyberspace. Ils sont censés pouvoir faire des trucs de dingue et ils se battent à l'épée, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Tu te sens un peu arnaqué, je trouve, dans ce final. Bah, ça, c'est clairement le manque de budget. Je vois pas d'autres explications. Ouais, de budget et d'imagination, un peu, je pense, quand même. Oui, parce que le premier film avait pu passer outre et avait frais. Bon, c'était dégueulasse à voir et t'avais envie de te laver les yeux à l'eau de Javel, mais il y avait de l'idée, ouais, quoi, dans le combat final. Mais à la limite, est-ce qu'on n'aurait pas préféré un truc dégueulasse à voir, mais original ? Oui, clairement. Parce que sinon, ce final marche pas du tout. J'ai des limites l'impression qu'ils ont récupéré des bouts de plein de scénarios qui existaient déjà pour composer un nouveau film, tellement j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, à part des connexions très vagues. Mais bon. C'est possible, hein ? Un film Frankenstein. Ça irait bien avec le titre, du coup. Ouais, effectivement. Donc, bah, on arrive à la toute fin du film, avec Job qui effectivement surutilise ses pouvoirs. D'ailleurs, par rapport à la performance de Matt Frewer, on est d'accord qu'il essaie d'imiter Jim Carrey. Oui, c'est très... Il y a plein de moments où il essaie d'imiter Jim Carrey. Ouais, c'est... Je pense que c'est volontaire à ce stade-là, parce que vraiment. Il y a un moment dans la toute première rencontre là, à écran interposé, il fait une imitation de Bugs Bunny, mais mon Dieu. Oui, oui. C'est. Ah, il a l'air de s'amuser au moins. C'est celui du casting qui a l'air d'être le plus content d'être là. Mais... Oui, clairement. Mais bon, c'est quand même pas très convaincant. Mais je pense que Jim Carrey aurait été mieux finalement. Ah. Oui. Il aurait fait sa dépression plus tôt, mais. Je pense qu'il avait quelque chose à foutre. Probablement, si. Ouais. C'était le milieu des années 90, il faisait globalement des trucs mieux à l'époque. Je pense, oui. Alors attends, Jim Carrey. Rigolo, tiens, comme exercice. Qu'est-ce qui se passait dans la vie de Jim Carrey pendant le Cobaye 2 ? Il se passait disjoncté. Voilà. Ah, il est bien disjoncté. Donc effectivement, c'est mieux. Il a bien fait. Enfin, on lui a jamais proposé, mais voilà. En 96, disjoncté. J'ai l'impression que pas grand monde n'aime Disjoncté. Moi, je trouve que c'est un très bon film. Oh oui, oui c'est sympa, Disjoncté. C'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur de Carré, mais bon. Et puis il enchaîne sur Menteur, Menteur et The Truman Show aussi. Voilà. Hein. Et deux ans avant, il avait fait Batman Forever. Donc bon, le mec est revenu de loin, quoi. Et donc, la fin du film, c'est que Job, une fois expulsé de la machine et touché par le programme Égypte, redevient. Enfin, retrouve son handicap mental du premier. Ouais. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'il n'est pas méchant, ce qui est douteux comme morale quand même. Hein. Oui. C'est. Heureusement que le générique vient très vite après ça, parce que sinon, on aurait pu prendre 5 minutes pour s'interroger sur le message qu'essaie de nous faire passer le film. Oui, clairement. Bon. Et puis bah voilà, générique. Arrête, c'est ça, parce qu'on va nous traiter de wokisme. Ah bah, je suis désolé. Mais le pire, c'est que je suis sûr que là, vraiment, le film fait pas exprès. C'est juste que j'ai l'impression qu'il essaie de se la jouer à nouveau des fleurs pour Algernon, mais en le comprenant vraiment pas bien. Hein, pour oui, clairement, c'est... oui. Ou alors il veut juste établir un statu quo pour éventuellement un troisième film. Ouais, qui n'a pas eu lieu. Bizarre. Oui, bah, merci beaucoup. Ouais. On remercie personne la production. N'a réussi d'adapter la pastorale. On remercie la production, s'il vous plaît, merci. On remercie la production, on remercie les spectateurs qui ne se sont pas déplacés pour aller voir le film, surtout. Oui, aussi. Parce que ça a été un bide, le 2. Hein. Autant le premier, ça avait marché, le 2, personne ne s'est déplacé pour ça. Oui, bah, en même temps, en sortant de la salle, personne ne voulait voir un 2. Après le premier, je crois qu'il a fait un peu forte impression quand même le 1. Mais oui, personne ne voulait voir un 2 quand même, ouais. Surtout qu'il n'y avait plus Stephen King pour donner un coup de pub. Rappelons quand même que box office ne veut pas dire qualité. Non, certes, mais dans l'ensemble, ça peut attirer un peu de monde pour une suite. Mmh. Donc voilà, moi, le Cobaye 2, j'ai pas grand chose à rajouter dessus. Bah, c'était de la daube. Ouais. Mais c'était pas le pire qu'on ait vu. Non, certes. Bah, on va essayer de trouver une petite scène quand même, d'ailleurs. Ouais, ouais, bah allons-y. Moto volé dans le Berlingo. Tu veux faire la sécune au Tango. Et ces bâtards, ils en tirant. Mais ces bâtards, ils en chirant. Le mauvais oeil nous attirant. Je serai à 400 dans la Bugatti Chiron. Très bien, donc on a eu un peu de mal à trouver une scène. Hein. Comme souvent avec les films très mauvais, le souci, c'est qu'on essaie à chaque fois, tout de même, on peut révéler un peu les coulisses, de trouver une scène qu'on trouve un peu intéressante. C'est ce qu'on essaie de faire dans l'ensemble. Même avec les pires dômes, on essaie de se montrer honnête. Oui. Et il y en a où ça n'a pas été facile, hein, vraiment. Voilà. Ça fait partie de ces films où... Ça n'a pas été facile. Ouais, voilà, parce qu'il n'y a rien qui nous convainc tellement. Donc, la scène qu'on a choisie, c'est la première confrontation entre Job et le docteur Trace. Ouais. Bah voilà, on vous la diffuse et on revient après. Welcome to my world, Peter. Did you bring the good doctor? No, he's watching. He won't jack in. Jack in, jack off. What's the difference? Scared of the boogeyman, doctor? You can at least humor me with a point of view, can't you? It's a pleasure to finally meet you, doctor. I feel like we're almost... I'm blushing. Family. I don't think so, Job. Don't be so sure. Incest. The game the whole family can play. My brother's my daddy. We have a lot in common, Dr. Trace. We're both unwanted, underappreciated, and ahead of our time. The only difference is your time was then. My time is now. It's a short ride, Job. Enjoy it while you can. Oh, I plan to enjoy it for a very long time, Doctor. You see, I found the secret to immortality in the Chiron chip. Where is the Chiron chip? Come with me now, won't you? It's taken years of work, but our Chiron chip is finally a reality. Look what I'm doing, Doctor. Isn't it amazing? You don't look like you're in danger. What do you want? Egypt. Come on, don't hold back on me. It's a hidden nano routine encoded into the design of the Chiron chip. I'm not going to help you. Tell you what. You share Egypt with me, and I'll share with you technological knowledge beyond your wildest dreams. This is your world too, Doctor. Your work helped create it. My work is to build it. Now, tell me, Doctor, what does Egypt mean? I'm not going to tell you. You're insane. You don't understand its power, Job. Oh, but I do, Doctor. And in 3 days, I'll be in every system in the world. No. Tell me what Egypt means, Doctor, before I get really fucking pissed off! Get out of there, Peter. Voilà, voilà, donc, au moins, vous avez pu voir le jeu de Matt Frewer. Voilà, l'imitation de Bugs Bunny. Qui est... Oui, c'est peut-être lui le seul point d'intérêt du film, vu que c'est le seul qui a pas l'air de trop s'ennuyer à faire ça. Donc, il est un peu moins déprimant que les autres, quoi. Mais là aussi des soucis de cette scène, et c'est l'un des soucis qu'on a déjà évoqué, c'est que vraiment t'as l'impression que personne ne savait où se dirigeait le film, ni ce qui avait été écrit avant, ou personne ne semblait savoir ce qui se passait. Parce que il y a un problème majeur, t'as l'impression que Job parle au professeur comme s'il se connaissait. T'as l'impression que tout le monde se connaît là-dedans, alors que bah oui. Non. En fait. Bah, à la limite, que Job connaisse le professeur, ça pourrait presque être recevable dans la mesure où il a accès à toutes les big data et que le professeur a dû laisser des traces derrière lui, vu que c'est une personnalité. Mais effectivement, le professeur a l'air de connaître Job aussi, et ça se tient pas. Voilà. Là, je pense que c'est potentiellement des traces du fait que, à la base, ça avait été écrit pour être de nouveau le personnage de Pierce Brosnan, qui lui connaissait Job. Et oui. Qu'ils n'ont pas fait l'effort de suffisamment réadapter leur scénario pour coller à cette nouvelle réalité. Oui, c'est fort possible. C'est un peu... Moi, c'est ce que j'ai supposé hein, avec cette relation-là. Et les règles du monde sont pas claires, quoi. C'est comment les personnages se voient les uns les autres, comment Job voit le professeur, qu'est-ce qui passe par la réalité virtuelle, qu'est-ce qui n'a pas besoin d'y passer, parce que visiblement, la communication machine par machine a l'air de marcher très bien, donc à quoi bon passer par le métavers, dans ce cas-là. Tout ça, c'est vraiment pas net. Il n'y a pas grand-chose de net là-dedans. C'est ça. Le métavers, est-ce que c'est quelque chose d'entièrement créé par Job visuellement, ou est-ce que ça existait déjà avant lui? C'est lui qui lui donne forme, a priori, quand même. Oui, mais c'est quand même sous-entendu que le professeur, il y a... l'a créé aussi. Ouais, mais du coup, il a créé quoi? Égypte, déjà. Oui, ça, oui. Ça, on en est sûr. Mais quoi d'autre? Je ne sais pas. Malheureusement, je ne sais pas. Mais est-ce que j'ai envie de savoir? Malheureusement, oui. Non. On se pose la question là parce qu'on est en podcast, hein, mais dans un autre contexte, on aurait oublié aussitôt voilà. Toutes nos questions, toutes nos interrogations. Voilà, exactement. Mais donc voilà, le Cobaye 2, c'est vraiment pas quelque chose qu'on peut conseiller, pour aucune raison, parce que c'est même pas vraiment drôle. Moi, je voudrais quand même ajouter un bout de citation de télécassette, un impressionnant festival d'images de synthèse. Voilà, vous faites ce que vous voulez avec ça. Peut-être qu'il parle de la quantité. Voilà, c'est une aventure visuelle. Une aventure virtuelle exceptionnelle, voilà. Télécassette, c'était un truc de review pour Vidéo Club, c'est ça? Je sais pas. Ah, une aventure virtuelle exceptionnelle, non, c'est la tagline sur le DVD. Ah, d'accord, ouais. Mais par contre, oui, une impressionnante festival d'images de synthèse, bon. À l'aide. à l'aide. Chez moi, ça va dans Achevez-moi, s'il vous plaît. Ah non, merde, non. mauvaise liste, mais ça irait aussi, ouais. Bon, on va reprendre nos classements, hein. Oui. Et classer ce truc. Très bien, nous allons donc classer le film Le Cobaye 2. Pour rappel, même si ça n'a rien à voir, La Pastorale, la nouvelle qui a inspiré de très très loin Le Cobaye 1, est à la 48e place dans notre classement des livres, ce qui est bas, mais comme on l'a souvent répété, les récits, ça reste bas jusqu'à très tard, et là, c'est une nouvelle de qualité, mais courte, donc qui ne peut pas lutter contre tout ce qui va être un peu plus développé. Mmh. Les films, nous en avons 77 au classement pour le moment, et nous avons aux 5 premières places Carrie au bal du diable de Brian De Palma, Chambre 1408 de Michael Astrom, No Smoking d'Anurag Kashyap, Dead Zone de David Cronenberg et Shining de Stanley Kubrick, et aux 5 dernières Les Enfants de Salem de Larry Cohen, Children of the Corn Genesis de Joël Soisson, The Mangler Reborn d'Eric Garner et Matt Cunningham, Doctor Sleep de Mike Flanagan et Room 237 de Rodney Asher. Cette vieille quoi ? Cette vieille merde complotiste, évidemment. Voilà. Et donc, où est-ce qu'on va mettre le Cobaye 2 ? Est-ce que c'est moins bien que le Cobaye 1 ? Ah bah ça c'est sûr, oui. Voilà, donc déjà on sait qu'on va en dessous de la 39e place. Ouais. On va même pas mal en dessous à mon avis, hein, parce que... Personnellement, je pense que je prendrais plus de plaisir à revoir, par exemple, Couple Modèle ou même Vengeance Diabolique que le Cobaye 2. Ouais. Ouais, moi, je suis déjà pas mal plus bas, hein, parce que c'est moins bien que La Tour Sombre aussi, je trouve. Ouais, effectivement. C'est vraiment à partir de, ouais, la Cadillac de Dolan, Sac d'Os, où là, je commence à me... Là, on peut commencer à se poser la question. Alors ça, disons, pour l'instant, fixons comme fourchette haute La Tour Sombre, et comme fourchette basse, là où je le mettrais clairement absolument pas en dessous, c'est le The Mist de Christian Thorpe. Ça fait quand même une grosse fourchette à explorer. Bah, ah, oui. Là, je suis sûr que je préfère le Cobaye 2, mais je pense qu'on peut remonter un peu, parce que le Crotchend est plus chiant que le Cobaye 2, objectivement. Oui. Ça, c'est sûr. The Mangler 2 est plus fun. Bah, The Mangler 2 est plus fun. Et après, les autres ont peut-être quelques toutes petites, minuscules qualités. En fait, en réfléchissant, The Mangler 2 est un peu bas, même, je trouve. Mais bon. Ouais, peut-être, ouais. Tant pis, hein. C'est trop tard. Après, c'est vrai que les deux démons du maïs, le Fritz Kirsch et le Donald Pebancher, sont chiants. Hein. Ouais. Bah, après, le Cobaye 2 est chiant aussi. Hein. Oui, c'est vrai. ils sont chiants, mais un peu moins dégueulasses visuellement, peut-être. Oui, voilà. Je dirais en dessous de ces deux démons du maïs. Après, est-ce qu'on préfère ou est-ce qu'on aime moins que Jesse? Autant Jesse est un excellent roman, autant le film. Ouais, c'était vraiment. Souffle pas bien, quand même. Hein. Ouais. C'était mou, hein. C'était mou, c'était longuet. Ça veut tellement être fidèle que ça adapte le mauvais truc du roman. Ouais, c'était vraiment pas réussi. Donc avec l'histoire du mec là qui rentre dans la baraque. Oui, et puis les trucs mal gérés dans les voix qui lui parlent et compagnie. Les rares changements étaient pas bons, donc c'est vraiment pas bien, Jesse. Limite, je mettrais vraiment pour le coup le Cobaye 2 au-dessus de Jesse. Mais bon, on va encore dire qu'on est des anti, des haters de Mike Flanagan. Bon, bah, y a un peu de ça, hein, on va l'assumer. Non, je veux bien le Cobaye 2 au-dessus de Jesse et en dessous des démons du maïs de Donald Pebancher. Vas-y. Pour moi, la vraie anomalie, c'est The Mangler 2 qui mériterait d'être au-dessus, mais bon. Oui, effectivement, je sais pas, on était peut-être pas de bonne humeur ce jour-là. C'est ça. Donc Le Cobaye 2 prend la nouvelle 68e place entre Les Démons du Maïs de Donald Pebercher et Jesse de Mike Flanagan. Yo. Donc ça en fait une zone où vraiment on ne vous conseille pas d'aller voir. Ah oui, non, ouais. Préfère encore sauter tout nu dans des ronces que de subir ça. Ouais, c'est-à-dire qu'on préfère Firestarter 2 sous l'emprise du feu, et vraiment, on vous conseille pas d'aller voir Firestarter 2 sous l'emprise du feu, c'était pas bien. Vache, j'avais pas vu qu'il était là, ce con. Oui. Je crois qu'il y avait... Bah, Creepshow 3, on s'était dit qu'il y avait un ou deux trucs qui étaient presque à la limite d'être marrants, je crois. Et les effets spéciaux, qui étaient pas trop dégueux. Oui, effectivement, mais c'est vrai que c'était nul. L'introduction animée de Creepshow 3. Oh là là, elle était tellement moche. Bref. Un jour vraiment, faudra qu'on ce podcast se conclura avec un épisode où on revient point par point sur chaque film, mais pas en détail, hein, forcément. Oui, juste rapidement pour les souvenirs qu'on en a gardés. Hein. Pour le pire et le meilleur, quoi. C'est un petit épisode, comme ils font dans les séries, tu sais, l'épisode rétrospective. Ouais, c'est l'épisode quand ils ont la flemme d'écrire. Ouais, voilà, c'est ça. On en fera un aussi un jour. Hein. Quand on sera vieux et fatigué. Voilà. Bon, en attendant, on se retrouve pour un épisode dans 2 semaines dédié à Monsieur Mercedes, le livre et la saison 1 de la série, qui adapte donc le livre éponyme. On fera la série en 3 épisodes, puisque chaque saison adapte un roman différent, donc on a adopté ce format-là, pour le coup. Bah, oui, ce qui est plus logique, pour le coup, oui. Ouais, ce qui est le plus pratique. Et sans doute un épisode qui sera, je prédis, bien plus long que celui-là. Oui, a priori, bah déjà, vu qu'on a un roman à traiter, effectivement, ça rallonge automatiquement, ouais. Vous pouvez, en attendant, nous retrouver sur les réseaux sociaux. Yes, @cinémaarchiviste pour toi sur Twitter et Blue Sky. Alors que moi, bah, n'étant plus sur Twitter, vous ne pouvez que me retrouver sur Blue Sky à @-6. Lost Tales, Chris-6 Lost Tales sur Blue Sky. Je me suis embrouillé les pinceaux. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Twitch, donc sur la chaîne The Lost Tales pour toi. Oui. Où je viens aussi des fois, il faut qu'on refasse du Spelunky, on était tellement bon. Bah oui. Et sur la chaîne, plutôt sur la chaîne Cinémarchiviste pour moi, même si des fois Chris y est invité aussi. Ah bah, n'hésitez par exemple, pas à passer dire bonjour. Ouais, voilà. Alors demain soir, le jour où on enregistre, donc c'était Il y a plusieurs jours, le jour où vous écouterez. Mais oui, c'est mais bon, vrai. Si vous avez une machine à remonter dans le temps, vous pouvez venir samedi dernier. Il y avait un super live sur Twitch. ou alors, on fait les voyageurs du temps et on prévoit un live sur ta chaîne le lendemain d'où sera posté ce podcast. C'est-à-dire jeudi de la semaine prochaine. Ah, ou alors, il faut qu'on s'organise pour ça. Jeudi de la semaine prochaine pour nous, c'est ça ? Oui, c'est ça. Voilà, on fait les voyageurs du temps et on fait ça. Donc peut-être. On verra bien. C'est ça, on verra bien. Il faut qu'on en discute. Vous pouvez me retrouver sur YouTube aussi. Je fais des vidéos principalement sur le cinéma asiatique. La dernière en date, c'est sur Symbol, un film de Hitoshi Matsumoto avec un catcheur mexicain et un mec qui appuie sur des sculptures de bites. C'est très très bien. Mm-hmm. De quoi, les catcheurs mexicains ou d'appuyer sur des sculptures de bites ? Les deux. D'accord. Voilà. Et vous pouvez nous retrouver sur Discord. Vous trouverez tous les liens dans la description. Nous vous disons à dans 2 semaines pour Monsieur Mercedes. Et n'oubliez pas que le vidéoclub de Castle Rock est ouvert 7 jours sur 7. 24 heures sur 24. Salut. Salut.